Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un pays meurtri par une guerre civile insoluble, un pays riche en ressources naturelles, aussi convoité que divisé, et dont les rêves de paix semblent s'évanouir chaque jour un peu plus, la Libye. En août 2011, à la suite d'une révolte populaire et d'une intervention militaire internationale menée par la France et le Royaume-Uni, le régime du colonel Kadhafi est renversé. Dans la foulée, un Conseil national de transition, CNT, est désigné. Après 42 ans de dictature et 8 mois de guerre civile, le pays doit désormais organiser l'après, autrement dit, la paix. D'ailleurs, en septembre, la coalition internationale quitte le pays. Et quelques mois plus tard, en juillet 2012, les premières élections législatives libyennes sont organisées. Pourtant, très vite, les Libyens se déchirent. Les milices armées prennent de plus en plus de pouvoir et des organisations terroristes comme l'État islamique ou Al-Qaïda tentent de s'installer. Les autorités sont vite débordées et les institutions se fissurent. Au début de l'année 2014, la Libye plonge dans une guerre civile. Les combats se multiplient, les pays du Golfe s'immiscent et les morts s'accumulent. Aujourd'hui encore, la paix semble très loin de s'installer. Pourquoi ? Quelles sont les forces en présence ? Quel rôle a joué la France ? Et surtout, comment en est-on arrivé là ? Notre invité aujourd'hui, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire, spécialiste du monde arabe. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 15 septembre 2011, Benghazi. Le soleil de fin d'été, le bruit des klaxons donne à la ville côtière de l'est de la Libye des airs d'insouciance. Dans les rues du centre-ville, les combattants anti-Kadhafi paradent, juchés sur des pick-up, armes en bandoulière. Voilà bientôt 3 semaines que le régime du colonel est tombé et ses opposants se sont donné rendez-vous sur la place de l'ancien palais de justice, rebaptisé place de la liberté. Bientôt, ils sont quelques centaines de gaillards s'amasser, encadrés par des dizaines de caméras de télé venues du monde entier. Devant l'imposante façade de l'ancien tribunal, une estrade présidentielle a été dressée. Nicolas Sarkozy, le président français, doit y donner un discours. Il est attendu d'une minute à l'autre. Sur les toits alentours, les tireurs d'élite ont pris place. Le raid diplomatique a été minutieusement préparé. Il s'agit de fêter la victoire comme il se doit. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, bien sûr, car c'est ici que tout a commencé, 7 mois plus tôt, jour pour jour, le 15 février 2011, quand des manifestations géantes et spontanées contre le régime ont éclaté. Le printemps arabe venait de gagner la Libye. La réponse du pouvoir de Kadhafi est féroce. Très vite, on compte les premiers morts. En réaction, Nicolas Sarkozy met sur pied une coalition internationale avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui se mettent rapidement en mouvement. Grâce au bombardement et à l'aide logistique apportée aux insurgés, les résultats ne se font pas attendre. Le 23 août 2011, soit 6 mois après les premières manifestations, les rebelles, soutenus par la France, envahissent Tripoli et le régime de Kadhafi tombe comme un fruit mûr. L'ancien guide suprême, qui dirigeait le pays depuis 1969, est désormais un homme traqué. Il se cache comme un rat, avec ses derniers soutiens. Sur la place du centre de Benghazi, le parfum des orangers et de l'eucalyptus ferait presque oublier tout le reste. Les bombes, les 60 000 morts, les milliards de dollars de dégâts et un pays exsangue. Comme si, à partir de ce 15 septembre 2011, la paix était scellée, que tout allait rentrer dans l'ordre. C'était oublié que parfois la paix est plus difficile à gagner que la guerre. À 17h, le président français apparaît. La foule lui réserve un accueil assourdissant. 4 ans auparavant, il recevait le colonel Kadhafi à Paris, ravalant son humiliation devant la tente immense du leader libyen planté là, dans les jardins de la République française. Jeunes de Libye. Jeunes Arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. يا شباب بن غازي يا شباب ليبيا وأيها الشباب العربي إن فرنسا تعبر لكم عن صداقتها ودعمها Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. Vive Benghazi ! Vive la Libye ! Ce jour-là, Nicolas Sarkozy à Le Port, altier, affichant le fier sourire du vainqueur. Mais peut-on parler de guerre de libération ? Et surtout, est-elle vraiment terminée, cette guerre ? En tout cas, pour Nicolas Sarkozy, le couple semble parfait. Devant une foule clairsemée, les médias du monde entier, il semble s'adresser en chef de guerre à tout un peuple. Pourtant, la révolution et la fin du régime Kadhafi ont entraîné la création de nombreuses milices lourdement armées, aux intérêts divergents et prêtes à en découdre. Car la Libye est un pays riche, le plus riche d'Afrique. Sous ses terres se cachent des ressources colossales, des mines d'or, du gaz et surtout du pétrole. Le pays est d'ailleurs la plus grosse réserve d'Afrique et la 9e mondiale pour le pétrole, avec une production d'1,5 million de barils par jour qui contribue pour moitié au PNB. La vacance du pouvoir attire donc les convoitises de toutes parts. Surtout que la chute du régime a fait ressurgir de vieilles tensions régionales. La Libye est composée de multiples tribus qui ont réussi tant bien que mal, à la faveur d'un pouvoir autoritaire, à cohabiter sous un même drapeau pendant 4 décennies. Mais aujourd'hui, les risques de conflits et de partition sont réels. D'ailleurs, pour maintenir l'unité de l'État, une structure provisoire s'est constituée dès le début des insurrections en février 2011, le Conseil National de Transition, le CNT. Composé d'une myriade d'anciens et de nouveaux opposants à Kadhafi, il est le visage politique de la révolution. Son objectif principal est de constituer un gouvernement provisoire et d'organiser de futures élections législatives. Il est présidé par Mustapha Abdel Jalil, un ancien ministre puis opposant de Kadhafi. En ce 15 septembre 2011, un peu après le président français, c'est lui qui prend la parole et qui remercie chaleureusement la France et son allié l'Angleterre. Sayed Alain Juppé, wazir al-kharijiyya al-faransi. Un mois plus tard, le 20 octobre 2011, dans les environs de la ville côtière de Sirte, le 4x4 de Kadhafi est intercepté par une faction d'insurgés. L'ancien dictateur est capturé avant d'être exécuté dans des conditions troubles. Pour de nombreux Libyens, c'est le soulagement. Mais une question demeure. Et maintenant ? 3 jours plus tard, le 23 octobre, le président du CNT, Abdel Jalil, proclame la libération de la Libye. La guerre civile qui durait depuis 8 mois est donc terminée. Dans les semaines qui suivent, la situation semble d'abord se stabiliser. Après 42 ans de dictature et 8 mois de guerre civile, le peuple libyen aspire au calme. D'ailleurs, la production de pétrole reprend son rythme d'avant-guerre. La France et le reste de la coalition internationale quittent le pays rapidement alors que quelques autres arrivent. Le Qatar, notamment, qui apporte un soutien financier à plusieurs milices islamistes. La tranquillité reste donc toute relative. De nombreux groupes armés, comme l'organisation salafiste Ansar al-Sharia, refusent de prêter allégeance au CNT et prennent de plus en plus de pouvoir dans certaines villes jouant le rôle de la police et de l'armée. Des groupes djihadistes, comme Al-Qaïda ou Maghreb islamique, Akumi, profitent également de la pagaille pour s'implanter dans la région et terroriser la population. Peu à peu, les tribus se replient sur elles-mêmes et la confiance entre les Libyens s'amenuise. Les fractures grandissent. Alors, pour apaiser les tensions, le CNT veut organiser des élections au plus vite. Prévu pour juillet 2012, le premier scrutin libre de l'histoire de la Libye permettra de remplacer le CNT par un parlement appelé Congrès Général National ou CGN. La nouvelle constitution fait de ce futur congrès, le CGN donc, une institution puissante. Il a le pouvoir de désigner le chef de l'État par un vote, mais il peut aussi le destituer. Ainsi, dans les grandes villes du pays, les partis politiques se constituent. Et deux grandes tendances se dessinent. Les libéraux d'un côté, soutenus par le CNT, et les islamistes de l'autre. Dans le même temps, de nombreux candidats indépendants, surtout les chefs tribaux, se déclarent un peu partout. Sans aucune expérience de la démocratie en Libye, il est difficile pour les observateurs d'anticiper le résultat. 8 mois après la mort de Kadhafi, le 7 juillet 2012, se tient donc le scrutin. Les électeurs sont appelés à choisir les 200 parlementaires du futur CGN. La journée semble remplie de la promesse d'un nouveau départ, comme le montre ce reportage de France Info. Jour de vote, jour de fête à Tripoli. On est libre, c'est le jour de la liberté. Et avec leur carte d'électeur, ils ouvrent un chapitre plein d'espoir. C'est énorme ce qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui ont payé de leur sang ne sont pas morts pour rien. Ils se sont inscrits en masse, ils sont venus en masse. Mais difficile de faire un choix parmi plus de 4000 candidats, la plupart inconnus. Tous ne savent pas exactement comment ça marche une élection. Alors on se fait aider et même guider vers le bon candidat. Alors comment je fais ? Regarde, il suffit que tu barres ici. Et pour cet opposant à Kadhafi, emprisonné à plusieurs reprises, pas de risque de voir les radicaux islamistes arriver au pouvoir. Nous faisons confiance à notre peuple. Il veut la paix. Il veut suivre le mouvement du monde dans la bonne direction. Un monde nouveau. En fin de journée, première surprise. Le scrutin est marqué par une forte participation, plus de 60%. Quelques jours plus tard, les résultats sont dévoilés. Les libéraux l'emportent largement sur les islamistes, du moins sur le papier, parce que la couleur politique du CGN n'est pas si claire. Sur les 200 sièges, seuls 80 sont occupés par des représentants des partis politiques naissants. Les 120 autres étaient des candidats indépendants. En attendant, la prochaine mission du Congrès est de désigner le futur chef de l'État libyen. Un mois plus tard, le 9 août 2012, c'est chose faite. Les parlementaires élisent leur premier président, Mohamed El Megharieff, un homme de 72 ans, opposant de longue date à Kadhafi. On découvre alors que le CGN est beaucoup plus conservateur qu'on ne l'avait imaginé. El Megharieff est ce qu'on appelle un islamiste modéré, conservateur au niveau des mœurs et libéral sur le plan économique. Pour les Libyens, une question se pose. Le nouveau président va-t-il réussir à apaiser les tensions ? Eh bien, la réponse est vite trouvée, il en est incapable. Les rivalités continuent entre l'armée régulière et les milices islamistes. À Benghazi, par exemple, le 11 septembre 2012, le groupe salafiste Ansar al-Sharia attaque l'enceinte diplomatique américaine et tue l'ambassadeur John Christopher Stephen. Un micro de France Info capte le chaos qui entoure l'attentat. 22h à Benghazi, l'attaque du consulat était peut-être déjà planifiée par des extrémistes. Ils assaillent à coups de lance-roquettes le bâtiment. Des gardes de sécurité libyens auraient riposté avant de disparaître. Un incendie se déclare. L'ambassadeur est à l'intérieur du bâtiment. Avec deux autres Américains, ils se seraient alors séparés, asphyxiés par la fumée. Un officier américain revient plus tard sur les lieux. L'ambassadeur est introuvable. Sur cette photo prise de nuit, difficile de dire s'il est secouru ou lynché. Le médecin de l'hôpital de Benghazi témoigne sur une possible asphyxie. Le consulat et son annexe, trois autres Américains sont morts, gardent les traces d'attaques violentes. Elles ont duré au moins 4 heures. Les violences ne s'arrêtent pas là. Pour maintenir la pression sur le pouvoir, des groupes salafistes décident de s'attaquer aux piliers de l'économie libyenne, le pétrole. Ainsi, en quelques semaines, de nombreuses infrastructures se retrouvent bloquées aux mains des factions. La production chute, et en quelques semaines, elle est divisée par 6 par rapport à l'année précédente. Contraint économiquement, le pays risque l'implosion. Face au risque de guerre civile, le président El Megariev démissionne le 28 mai 2013, 10 mois à peine après son élection. Diriger la Libye n'est décidément pas une mince affaire. Pour les Libyens, le futur semble plus que jamais incertain, avec une question centrale en forme d'éternel refrain : comment panser les plaies et éviter la guerre civile ? Un mois après la démission d'El Megariev, le 25 juin 2013, un nouveau président est élu par le CGN, Nouri Boussarmein. L'homme applique une politique plus autoritaire que son prédécesseur et se rapproche de certaines milices islamistes. 6 mois plus tard, en décembre 2013, il décide d'appliquer la loi coranique, la charia. Calcul politique pour apaiser les tensions, conviction profonde. Quoi qu'il en soit, les factions islamistes refusent toujours de se soumettre au nouveau gouvernement. À ce titre, un ancien général de Kadhafi veut tout faire pour endiguer l'influence du salafisme. Il s'appelle Khalifa Haftar. Cheveux blancs lissés en arrière et petite moustache noire, uniforme vert olive impeccable. Haftar est un ancien compagnon de route du colonel Kadhafi, un militaire pur et dur qui a aidé au coup d'état de 1969, puis servi le régime pendant presque 20 ans, avant de s'opposer au dictateur et de fuir le pays pour les États-Unis. Pour lui, seule une solution militaire peut empêcher l'implantation durable de l'islamisme radical. Et en cet été 2013, l'officier fulmine contre le CGN et le gouvernement qui, selon lui, laisse des étrangers venir en Libye et s'enrichir. Haftar en est convaincu. Le Qatar est le principal responsable de la montée du salafisme en Libye et de l'islamisation progressive du CGN. Alors, discrètement, l'officier peaufine un plan d'action. Il active son réseau, constitue un noyau de fidèles, puis attire des combattants. Ainsi, pendant des mois, il sillonne le pays inlassablement à la rencontre de nombreux chefs de tribus. Et en détail, il leur explique son projet contre l'islamisme. Peu à peu, des soldats qui ont fait défection de l'armée régulière le rejoignent. Grâce à ce travail minutieux et souterrain, Haftar prépare son plan de reconquête et tient à le faire entendre. Ainsi, le 14 février 2014, il s'adresse à la nation lors d'une intervention télévisée. Dans un discours féroce, il ordonne la dissolution du CGN et la tenue de nouvelles élections. Aujourd'hui, notre armée doit déclarer une longue bataille et défendre notre pays, notre peuple et la vie des militaires qui ont été assassinés ces derniers mois. Ce n'est pas un coup d'État. Nous ne voulons pas le pouvoir. Nous ne voulons pas interrompre le processus démocratique. Le sang des Libyens est sacré. Mais les terroristes ont décidé de ne jamais nous laisser vivre en paix. Mais si c'est un coup d'État, dénonce le CGN. En Libye et ailleurs, de nombreux observateurs sont sceptiques sur les intentions du général. Est-il l'homme providentiel dont le pays a besoin, ou bien un général de pacotille? Et puis, que penser d'un homme qui a été kadhafiste pendant 20 ans avant de partir en exil aux États-Unis? Quoi qu'il en soit, en ce début de l'année 2014, la Libye semble être dans une impasse. La production de pétrole tourne au ralenti et l'ordre n'est plus maintenu. Pour le pouvoir, il faut reprendre le contrôle des installations pétrolières et endiguer l'influence des milices locales. Ainsi, le 11 mars, après un vote houle, le CGN destitue le gouvernement et décide la tenue de nouvelles élections législatives prévues pour le 25 juin. De son côté, le général Haftar change de stratégie. Cette fois, il met ses troupes en mouvement et lance le 16 mai 2014 l'opération Dignité. Son objectif est simple, reconquérir le pays, chasser les djihadistes. Haftar décide de commencer par la ville de Benghazi, là où Nicolas Sarkozy affichait le sourire de la victoire devant les caméras du monde entier à peine 3 ans plus tôt. Car désormais, la deuxième ville du pays grouille de miliciens salafistes. En Libye, les rêves de paix s'éloignent encore un peu plus. Sensible, Fabrice Drouel. Si demain il y a une nouvelle guerre, nous, l'armée légitime sous l'autorité du Parlement, on se battra contre ces islamistes qui ne sont que des groupes armés totalement hors la loi et instrumentalisés par les frères musulmans. À l'image de ce témoignage d'Ahmi Latri, un combattant de l'armée régulière, la société libyenne est totalement fracturée en ce début d'année 2014. Après avoir payé de leur sang pour un renouveau, les Libyens font un constat amer de ces premières années de démocratie. Certes, ils ont été débarrassés d'un pouvoir autocrate, mais que peut-on dire des dirigeants actuels? Eh bien, 3 ans après la mort de Kadhafi, 3 principaux groupes s'affrontent. L'armée régulière, contrôlée par le Parlement, les troupes du général Haftar, qui ne reconnaissent pas la légitimité du CGN, et une nuée de milices salafistes. Le pays est au bord de l'implosion. Le 25 juin 2014, c'est dans ce contexte incertain et tendu que se déroulent les élections législatives. Face à la méfiance grandissante des Libyens envers leurs institutions, on décide de changer le nom du futur Parlement et de lui octroyer un peu moins de pouvoir. Le CGN sera ainsi remplacé par la Chambre des représentants. Les Libyens semblent désabusés. Et cette fois, la participation est faible, environ 40%. Dans les jours qui suivent, les bulletins sont dépouillés et les résultats annoncés. Les libéraux remportent la majorité des sièges. Les partis islamistes et le président Boussarmeyn sont les grands perdants du scrutin. Pour autant, ils s'accrochent au pouvoir. Le jour des résultats, ils annoncent qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de cette nouvelle chambre des représentants. Le CGN est donc maintenu. À cause de ces troubles, la nouvelle chambre des représentants est délocalisée à Tobrouk, dans l'est du pays, tandis que le CGN continue de siéger à Tripoli. Désormais, le pays est coupé en deux. Deux institutions rivales, deux parlements qui forment deux gouvernements concurrents. Face à son refus de se plier au vote, le CGN de Tripoli n'est plus reconnu par la communauté internationale. De leur côté, les troupes du général Haftar se lient au gouvernement de Tobrouk, fraîchement constitué. Au bout du compte, la Libye, c'est deux parlements, deux gouvernements et donc deux armées, en plus d'un ensemble de groupes salafistes. La partition est maintenant une réalité. De son côté, le général Haftar poursuit sa reconquête de Benghazi contre les milices islamistes et peu à peu, la ville est reprise par ses troupes, au prix tout de même de centaines de morts. Le correspondant de France 3 couvre l'événement. La situation en Libye atteint un stade critique. Ce diagnostic samedi d'envoyés spéciaux de la Ligue arabe, de l'Union européenne et des États-Unis est à l'image d'un pays qui a sombré dans un chaos dont on se demande bien comment il pourra se relever. Au moins 38 personnes, pour la plupart des soldats, ont été tuées à Benghazi ces dernières 24 heures dans des combats entre l'armée et des groupes islamistes. L'aéroport de la capitale Tripoli est depuis maintenant deux semaines l'objet d'affrontements entre des milices rivales pour en avoir le contrôle. Bilan des dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés. Le gouvernement lui-même évoque un possible effondrement de l'État. Et les pays étrangers, les uns après les autres, demandent à leurs ressortissants sur place de s'en aller. Pendant son offensive, le général reçoit le soutien logistique de deux pays voisins, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il dispose désormais d'un appui aérien ainsi que de nombreuses armes modernes. De son côté, le CGN reçoit l'aide du Qatar puis de la Turquie. Et discrètement, le conflit s'internationalise. Une guerre par procuration débute entre les différents pays ayant des intérêts en Libye. À la même période, une nouvelle organisation profite du chaos et s'immisce dans le conflit. Un groupe né sur les cendres et les morts de la guerre en Irak, une armée dont les rangs grossissent depuis plusieurs années, attirant des combattants venus du monde entier, l'État islamique. Ainsi, le 14 février 2015, 800 hommes de Daesh envahissent la ville de Sirte, située à l'ouest du croissant pétrolier entre Tripoli et Benghazi. Et bientôt, les milices salafistes les rejoignent et s'associent au groupe djihadiste. Celui-ci étend son influence autour de la ville côtière. Face à cette nouvelle menace et à l'implication grandissante des pays du Moyen-Orient, la communauté internationale décide d'agir. Il faut réunir les deux organisations rivales, CGN et Chambre des représentants, autour d'une table, dans un pays neutre. Ainsi, la ville marocaine de Skhirat est choisie. Et le 6 décembre 2015, les représentants des deux institutions sont convoqués. L'accord prévoit le partage du pouvoir, en deux camps donc, à condition que les signataires acceptent l'autorité d'une troisième entité appelée gouvernement d'union nationale. L'ONU propose même un futur chef du gouvernement, un homme d'affaires de 56 ans, Fayez El-Sarraï. Le 17 décembre, les accords sont signés par les deux vice-présidents de chambre. Fayez al-Sarraj, nouveau premier ministre libyen, à la tête enfin d'un gouvernement d'union nationale. Cet homme porte sur ses épaules les espoirs d'une partie des Libyens et surtout de la communauté internationale. La chef de la diplomatie européenne salue aujourd'hui une avancée. Fayez al-Sarraj va-t-il réussir à rassembler la Libye, répondre aux attentes de la communauté internationale ? Depuis plus de 4 ans et la chute de Muammar Kadhafi, la Libye n'a cessé de s'enfoncer dans le chaos, rongée par les affrontements entre les milices qui se disputent le territoire. Des groupes armés qui, depuis juillet 2014, se sont rangés derrière deux gouvernements concurrents. Deux parlements censés se ranger derrière l'autorité du nouveau Premier ministre, al-Sarraj. Problème, le texte doit encore être ratifié et rencontre de fortes résistances sur le terrain, alors pourtant qu'il y a urgence. Comme le rappelle ce reportage, des désaccords profonds subsistent entre les deux parties. Puis, les Libyens se méfient de ce nouveau gouvernement soutenu par de nombreux pays occidentaux et mandaté par l'ONU. Malgré ces difficultés, le 12 mars 2016, le nouveau gouvernement prend ses fonctions. Quelques jours plus tard, le CGN cède officiellement le pouvoir à El-Sahraoui avant d'être dissous. Dans la foulée, quelques milices locales prêtent allégeance au pouvoir et une armée régulière est constituée. Grâce à cette modeste assise militaire et territoriale, le gouvernement peut en tout cas lancer son plan de reconquête. Mais un homme méprise El-Sahraoui au plus haut point et refuse catégoriquement que le pouvoir lui soit confié, c'est le général Haftar, devenu entre-temps maréchal. Ainsi, le 19 mars, sous la pression d'officiers, la Chambre des représentants de Tobrouk fait machine arrière et refuse l'autorité du nouveau gouvernement, revenant sur les accords de Skhirat. La fameuse Union nationale aura duré une semaine. Pour l'ONU, le coup est dur. Il faut dire qu'en plus de l'Égypte et des Émirats, Haftar et ses troupes disposent du soutien opérationnel et discret d'un autre pays, la France. Mais oui, la confirmation de cette information arrive même en juillet 2016. En effet, le 21, dans la région de Benghazi, un hélicoptère venant d'une zone contrôlée par Haftar s'écrase après un tir de missile d'un groupe djihadiste. Dans les décombres, on découvre les trois victimes. Il s'agit de sous-officiers du service action de la DGSE. Furieux, El-Sahraoui dénonce le double jeu de Paris. Alors, à quoi joue la France? Un reportage de France 2 tente d'éclaircir l'événement. Des photos ont été diffusées par les brigades de défense de Benghazi, une milice islamiste proche d'Al-Qaïda. On y voit des débris d'hélicoptères calcinés. Le groupe terroriste affirme avoir abattu l'appareil dimanche dernier. Dans l'est de la Libye, dans la région de Benghazi à El Magroun. À son bord, des soldats français. Ce matin, le ministre de la Défense a confirmé leur décès par le biais d'un communiqué. Il y déplore la perte de trois sous-officiers français en service commandé. Le président de la République, lui, évoque un accident. Nous menons des opérations périlleuses de renseignement. Trois de nos soldats, qui étaient justement dans ces opérations, viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère. Je leur rends hommage. Pour la première fois, le président de la République reconnaît implicitement la présence de soldats français en Libye. Selon nos informations, les trois hommes appartenaient au service d'action de la DGSE. Depuis la chute du colonel Kadhafi, c'est le chaos qui règne en Libye. À Benghazi, les forces spéciales françaises, mais aussi américaines et britanniques, épaulent cet homme. Le général Haftar, dans son combat contre les groupes islamistes, leur mission officieuse du renseignement et de la formation au combat. Ainsi, les gouvernements français, américains et britanniques aideraient à la fois le tout nouveau pouvoir et son principal rival Haftar. Au fil des jours, celui-ci a prouvé son efficacité sur le terrain face aux groupes djihadistes. Mais s'agit-il d'un bon calcul? Et surtout, se voit-il comme le futur chef de l'État? Une chose est sûre, en cet été 2016, les troupes d'Haftar gagnent du terrain. Ainsi, le 14 septembre, elles reprennent le contrôle des installations pétrolières et font repartir les exportations. Pour de nombreux observateurs, cette bataille marque un tournant dans le conflit. Au sein de la communauté internationale, la perception d'Haftar change. Désormais, le maréchal s'impose comme une force militaire incontournable. Et ses victoires attirent de nouveaux combattants. D'après le maréchal, ils sont maintenant 75 000 sous ses ordres. L'officier compte bien profiter de son avantage. Dans les mois suivants, ses troupes conquièrent d'anciens territoires djihadistes. Fin 2016, l'État islamique perd le contrôle de son dernier bastion, Libye, la ville de Sirte. Dans les mois qui suivent, le maréchal continue d'étendre son emprise et bientôt il contrôle la majorité du territoire. Seule la ville de Tripoli, tenue par le gouvernement d'Union nationale et le sud du pays aux mains d'un ensemble de milices, lui résiste encore. Oui, mais pas pour longtemps. Ainsi, le 16 janvier de cette année, l'armée d'Haftar lance une offensive dans le sud du pays où elle affronte des milices djihadistes et des groupes armés tchadiens. Trois mois plus tard, le 4 avril, l'officier demande à ses hommes de se diriger vers Tripoli. Reportage de France 2. En Libye, le maréchal Haftar poursuit son offensive vers la capitale Tripoli, malgré les appels de la communauté internationale à cesser les hostilités. Dans un discours à la télévision samedi soir, son rival, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale, l'accuse de trahison et promet de répondre avec force et fermeté. Nous avons été surpris de voir des mouvements militaires conduits par Haftar et une rhétorique mobilisatrice qui nous ramène à l'ère dictatoriale et autoritaire. Ils jettent nos fils dans un destin connu où ils servent à alimenter une guerre où il n'y a pas de vainqueur et où tout le monde perd. Il a avorté tous les efforts des Libyens et de la communauté internationale pour une solution pacifique. Alors, si Haftar gagne à Tripoli, la paix pourra-t-elle s'installer ? Ou bien faudra-t-il de futures élections jusque-là sans cesse repoussées ? Aujourd'hui encore, ces deux batailles ne sont pas terminées. Les combats se poursuivent dans le désert, dans la capitale libyenne et un peu partout ailleurs. Les morts s'accumulent. Jusqu'à quand ? Et puis, que retenir de ces 8 années de conflit ? L'histoire de la Libye, de l'après-Kadhafi, c'est l'histoire d'un pays riche et d'une révolution populaire confisquée, puis celle d'une guerre civile entre des belligérants nombreux où les puissances étrangères tirent les ficelles. Pour l'instant, c'est encore valse des présidents et des institutions et un bilan humain qui fait froid dans le dos. Près de 75 000 morts depuis février 2011 et un quotidien ponctué de violences et d'humiliations pour des centaines de milliers de personnes. Le soleil brillait comme un astre sur la mer Méditerranée. Je volais au-dessus des lueurs et des désastres. Dans les rues de la ville, l'odeur du sang sentait le laurier et la rose. Dans les rues de la ville, les vivants m'acclamaient, les morts pensaient à autre chose. Je volais. Oh, je voudrais t'en revoir, Tripoli, voir danser les rafales, hennir les chars d'assaut. Oh, je voudrais t'en revoir, Tripoli. La poussière, le métal, tanguer les hélicos, tanguer les hélicos. Danser les rafales, hennir les chars d'assaut. Oh, je voudrais t'en revoir, Tripoli. La poussière, le métal, tanguer les hélicos, tanguer les hélicos, tanguer. « Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la Libye de l'après Kadhafi. Notre invité, Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, essayiste surtout et spécialiste du monde arabe. Vous avez notamment écrit Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, paru chez Robert Laffont en 2016. Et votre dernier livre, toujours chez Robert Laffont, s'intitule Holy War, Hollywood, arme de propagande massive. Celui-là est sorti l'an dernier. Au départ du Caliban, il y a donc que l'intervention menée par la France de Sarkozy et le Royaume-Uni de David Cameron. Pourquoi, selon vous, les armées de ces deux pays sont-elles parties aussi vite après la chute de Kadhafi ? Est-ce qu'il faut y voir le syndrome des Américains en Irak ? Si ça devait être le syndrome des Américains en Irak, il aurait fallu ne pas y aller. Parce que le résultat est à peu près identique. C'est-à-dire... le livre auquel j'aurais fait référence, moi, si vous voulez, c'est un livre de bilan que j'ai fait de 20 ans d'affaires stratégiques qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Dans les démocraties, évidemment, dans les dictatures, il suffit que le dictateur, un beau jour, dise « on va envahir le Koweït » et il a autour de lui une cour qui lui dit « quelle bonne idée, chef, on va y aller, chef », etc. Bon. Dans les démocraties, quand on veut faire une guerre, il faut qu'elle soit démocratique, c'est-à-dire qu'il faut convaincre l'opinion. Et ce qui est très intéressant, ça a été le processus de conviction sur Kadhafi. C'est-à-dire, vous avez une personnalité que vous avez oublié de citer, c'est BHL. C'est BHL qui l'a appelé. On en a parlé hier, parce qu'on a fait en deux épisodes. Ah oui, d'accord. La chute de Kadhafi. Je retire ce que j'ai dit, mais simplement parce que, si vous voulez, encore une fois, l'intervention de ces intellectuels universalistes dans la France à le secret va venir se mêler d'une affaire dans laquelle ils ne connaissent strictement rien. Et ce qui est intéressant, c'est le message qui passe à Sarkozy en lui disant « je suis à côté des insurgés libyens », etc. Et il désigne un type, je ne sais plus lequel, et il dit « c'est le nouveau Massoud ». C'est-à-dire qu'il fait une référence à un rôle qu'il est censé avoir joué à l'époque de la résistance afghane contre les Russes, en prenant un personnage qui était Massoud, bon, qui est un ancien élève français de Kaboul. Donc effectivement, ça lui donne des lettres de noblesse automatiquement. Qui va se révéler être un boucher une fois qu'il sera au pouvoir. Bon. Donc l'intervention de ce genre de gens dans une crise qu'il ne connaît pas, mais qui ne fait référence qu'à des systèmes de valeurs occidentaux, en disant il y a un massacre en cours, il faut y aller, les blindés sont en train de marcher sur Tripoli, etc. Bon. Rappelez-vous toute cette construction-là, dont on dira a posteriori, mais non, c'est pas vrai, il n'y avait pas de massacre en cours, et non, il n'y avait pas de blindés en cours. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel il faut s'interroger. Deuxième point, de quel droit les Occidentaux, même sous couvert onusien, considèrent-ils le monde arabe comme un jardin d'essai pour leurs troupes ? Ah oui. On n'est jamais intervenu pour aider les Palestiniens de Gaza. Par contre, on choisit des endroits en disant « ah oui, non mais là c'est grave, il faut y aller, on va aller en Irak, on va aller en Syrie, on va aller en Libye, etc. » Donc là, il y a un système de fabrication de l'ennemi, c'est pour ça que je reviens sur cette thématique, et dans cette fabrication de l'ennemi, évidemment, le dictateur arabe est une cible privilégiée. Et qui peut aussi se télescoper avec le droit d'ingérence dit humanitaire. On va, parce que c'était ça quand même la Libye, c'est ça, sans jeu de mots, on va en Libye pour ça. Oui, qu'est-ce qu'on en fait ce concept-là ? Il n'est pas non plus à mettre aux oubliettes, non ? Oui, mais ingérence humanitaire ne signifie pas ingérence humanitaire militarisée. Parce que on a inventé après le devoir de protéger. Le devoir de protéger, c'est ce qu'on va utiliser effectivement pour tout à coup protéger une population contre un massacre en cours, etc. Bon. Il y a des tas d'endroits du monde dans lesquels on n'utilise pas. Je ne vais pas revenir encore une fois sur l'exemple de la Palestine, ce serait malheureux, mais on a des endroits dans lesquels on se donne le droit d'intervenir pour protéger une population. Mais si la situation qu'on crée en étant non plus protecteur mais acteur, parce que si on militarise, on devient acteur. À ce moment-là, on laisse derrière soi soit l'obligation de laisser des troupes sur place. Regardez les Américains, on parle seulement maintenant de se retirer d'Afghanistan. C'est-à-dire que depuis 2001, ça fait donc 18 ans qu'ils sont en Afghanistan pour établir la paix. Protéger les femmes afghanes aussi, vous avez remarqué, c'était un des thèmes politiques. Encore une fois, référence au système occidental pour dire on y va pour des causes réelles. Donc cette militarisation de l'obligation l'obligation d'aider, si vous voulez, est un travers dont on ne se rend pas compte qu'il emporte autant d'inconvénients que d'avantages. Alors, il y a effectivement des problèmes exogènes, ceux-là, qui viennent de pays étrangers, mais il y a quand même des problèmes endogènes à la Libye. Qu'est-ce qui fait que, au-delà de l'intervention étrangère, ça ne fonctionne pas ? Alors, on a tenté de l'expliquer pendant le récit, mais quel est votre regard sur cet échec-là ? Ben, je crois qu'on a effectivement, ce n'est qu'en faisant des comparaisons qu'on s'aperçoit qu'il y a une crise, si vous voulez, qui est assez terrible. Un certain nombre d'États sur lesquels on a construit les raisonnements internationaux pendant une cinquantaine d'années sont tous dans des crises profondes parce que la destruction du régime central autoritaire a fait réapparaître des fractures et des guerres civiles Vieux principe, effectivement. On est en mesure de gérer. Bon, je ne parlerai pas de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Libye, bien évidemment. On pourrait parler de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Ah ben, l'ex-Yougoslavie, effectivement, parce que là, c'est sur notre territoire. Donc, sur l'ex-Yougoslavie, tout le monde était convaincu qu'après 50 ans de titisme, l'identité yougoslave existait. Et donc, en fait, moi je prends l'exemple des pays arabes, parce que là, c'était des découpages coloniaux. C'est-à-dire qu'on avait décidé, au moment après la guerre de 14, de faire le plan Sykes-Picot, on avait coupé des frontières. Vous avez vu les frontières, il y a dans cette région du monde que les frontières sont rectilignes. Bon, parce que ça totalement. S'est fait sur... Et la Libye, c'est pareil. La Libye, c'est aussi intéressant que le Tchad. Vous saviez, avant la colonisation, une dynamique sociale qui est extrêmement intéressante, parce que vous aviez au Tchad des réservoirs esclaves, vous aviez des royaumes esclavagistes, et vous aviez des trafiquants d'esclaves. Les trafiquants d'esclaves, c'était les Libyens. C'est-à-dire, c'était les tribus contre lesquelles Kadhafi a établi son autorité. Donc, vous aviez cette dynamique où des gens, on a réuni ensemble des gens qui ne voulaient pas vivre ensemble. Mmh. Comment voulez-vous que des réservoirs esclaves soient contents de vivre avec des anciens royaumes esclavagistes ou éventuellement vivre avec des tribus trafiquantes d'esclaves? Mais ça, on s'en fichait. Il fallait que la carte ne laisse pas un trou. Et donc, on a fait ces États qui, finalement, ont tenu un certain nombre d'années avec des régimes autoritaires, des dictatures militaires. Parce que le processus, si vous voulez, de construction de l'État, c'était d'abord la constitution d'une armée. Et donc, vous avez à peu près partout l'émergence d'un dictateur d'origine militaire qui va dire, avec moi, ça va marcher. Donc, que ce soit Boumediene, que ce soit Kadhafi, que ce soit Nasser, que ce soit Assad, ou que ce soit Saddam Hussein. Mmh. Donc, on avait partout ce processus. Et puis, c'est ce processus-là qui s'écroule. Et puis, quand ça s'écroule, on s'aperçoit que ça marche pas du tout. Et donc, l'idée aujourd'hui de soutenir Sisi en Égypte, c'est de se dire, au moins il y en a un qui va essayer de résister à la décomposition. Qui va tenir la maison, quoi, si j'ose dire. Mais enfin, l'Égypte, c'est un fait géopolitique. Je veux dire, l'Égypte, ça existe depuis quelques millénaires. La Libye... Alors, face à cette situation, là, on voit que ça s'enlise. D'ailleurs, quelle est la situation aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, en septembre 2019, où en est la Libye par rapport au récit que nous avons déroulé, qui allait d'ailleurs jusqu'à il y a peu, mais aujourd'hui? Écoutez, je serais bien en peine de vous répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique militaire, c'est celle-là qui l'emporte. Oui. Effectivement, que Haftar a l'air de vouloir rétablir une espèce d'unité militarisée du pays. Et encore une fois, en réprimant des forces qui structurent de la société libyenne, qui sont les tribus, qui sont les différences régionales, etc. Donc c'est le seul voie qui va permettre de reconstituer ce qu'on espère tous, c'est-à-dire un État libyen. Et pourquoi on l'espère? Parce que ça arrêtera le flux des migrants. Ah oui. C'est assez cynique comme raisonnement. Ça voulait dire que sinon, si la Libye n'avait pas cette position géostratégique par rapport au flux migratoire, on s'en occuperait pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire que l'époque Kadhafi avait au moins le mérite de constituer un barrage. Mais vous savez, la situation est tout à fait identique en Syrie, en Irak, en Afghanistan. C'est-à-dire que les migrants qui arrivent ici ne sont pas tous des gens qui traversent la Libye. Dans tous les pays qu'on a détruits, parce que la guerre civile se pérennise, vous avez donc des migrants qui arrivent par la Turquie, qui arrivent par la Méditerranée, bien sûr, etc. Bien sûr. Donc, encore une fois, cette militarisation de l'action internationale a créé autant de problèmes, si ce n'est plus, que ce qu'elle voulait régler. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, alors? Si on a adopté une solution qui a créé plus de problèmes qu'elle en a réglé, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Si vous voulez, on s'est comporté comme des cow-boys. C'est-à-dire, on tire d'abord, on discute ensuite. Non, il y a quelque chose qui va pas. On commence par faire une analyse politique d'une situation. Et si, effectivement, notre intervention peut apporter une solution sous la forme de casque bleu ou sous la forme d'action directe aux côtés d'un des partenaires, ça peut se faire. Mais il reste que, si vous prenez une situation géopolitique qui aujourd'hui va du Pakistan jusqu'au Nigeria, c'est-à-dire une guerre sunnite-chiite. Vous l'avez au Pakistan, vous l'avez en Afghanistan, vous l'avez en Syrie, vous l'avez en Irak, vous l'avez au Bahreïn, vous l'avez au Yémen, et vous l'avez au Nigeria. Est-ce que vous pensez une minute que des casques bleus français, américains ou britanniques, c'est-à-dire en fait des roumis, c'est-à-dire des mécréants, vont venir aider les musulmans à se dire non, séparez-vous, tolérance. Je veux dire, c'est une aberration intellectuelle. Donc il y a un ordre international qui est à New York, où des gens discutent sur du papier. À Paris aussi d'ailleurs, hein, parce que la Libye, on l'a bien vu avec Kadhafi, avec Sarkozy, c'est pas le même, avec Sarkozy. Et là, on a fait une décision qui n'avait de référent qu'intérieur français. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas. Bien sûr. Alors, on ne va pas absoudre non plus les pays arabes ou musulmans, parce qu'on parle de la Turquie, qui n'est pas un pays arabe, je le rappelle. Les pays voisins, qui tirent les ficelles et pourquoi? On va en prendre quatre. L'Égypte. Alors l'Égypte, voisin déjà de la Libye, c'est un critère important. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je crois que l'Égypte cherche la stabilité, et je pense que le maréchal Sisi raisonne comme tous les militaires, c'est-à-dire un bon militaire en Libye est le seul qui puisse garantir une certaine stabilité dans la région. Donc là, je crois que la réponse est assez simple. Qu'est-ce que cherchent d'autres acteurs comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite? Oui, j'allais y venir. Alors, je ne sais pas, ce sont des pays qui disposent d'argent, mais pas de moyens. Et donc, la question, c'est sur qui mettez-vous la mise? Est-ce que vous aidez les frères musulmans? Est-ce que vous aidez les salafistes, etc.? Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai tendance à penser que le principal facteur de déstabilisation de du monde arabo-musulman, c'est la propagation du salafisme. Donc le Qatar peut être une espèce de banquier qui distribue de l'argent, mais enfin, l'idéologie est venue d'Arabie Saoudite. Or, vous remarquez que l'Arabie Saoudite, elle peut faire ce qu'elle veut, on lui pardonne tout. Oui. Elle peut assassiner, découper en morceaux, comme un écarisseur, un opposant politique... Et on l'amnistie, donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui est très grave. Et encore une fois, c'est le salafisme qui a tué 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris. Et c'est pas l'Iran. Or, la crise est avec l'Iran, elle n'est pas avec l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, il y a une construction de l'ennemi dans laquelle on vous dit non, non, ne regardez pas dans cette direction-là, allez chercher de l'autre côté. Puisque vous nous emmenez sur ce terrain-là, il est intéressant, et j'aurais m'y arrêter, l'Iran. On a l'Arabie Saoudite d'un côté, on a l'Iran de l'autre. On se trompe d'adversaire? Non, je crois que l'Iran est effectivement un problème, c'est un triple problème. D'abord, c'est le seul fait géopolitique de la région, l'Iran. Quand on a 3000 ans d'histoire et qu'on veut discuter avec des Iraniens et qu'ils vous expliquent qu'une grande partie de notre mythologie vient du fond mythologique iranien, bon, vous êtes un peu plus modeste. Et donc, c'est un fait géopolitique. C'est un fait géopolitique d'autant plus important qu'il a trois caractéristiques. C'est que d'abord, il a été le premier pays musulman anti-impérialiste, puisque de l'an 79. Ensuite, c'est un pays chiite. Or ça, pour les Saoudiens, il n'y a pas plus irritant que de penser qu'un pays chiite va prendre le leadership sur le monde arabo-musulman. Et le troisième, c'est que finalement, ce gouvernement a tenu. Ouais. Et donc là, on lui a fait la guerre. Rappelez-vous qu'en Irak, on a quand même soutenu l'agresseur pour mettre sous embargo l'agressé. On a soutenu Saddam, et on a mis sous embargo l'Iran. Donc quand vous êtes dans cette situation... De la première guerre du Golfe, celle des années 80. Oui, qui a duré 8 ans, là, les 800 000 morts. Là. Mm-hmm. Et donc, vous êtes dans la peau d'un Iranien. Comment pouvez-vous faire confiance à la communauté internationale pour s'occuper de votre sécurité? Vous ne faites absolument pas confiance. Donc vous poussez un pays intelligent, avec des cadres, avec un certain instinct nationaliste, de se doter de l'arme ultime, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Donc tant qu'on continuera à expliquer qu'on genre... Vous savez, l'histoire de l'Iran est assez simple. 53, le coup d'État contre Mossadegh. Mossadegh avait l'idée stupide de vouloir nationaliser le pétrole. Il était un peu en avance de phase. Coup d'État organisé par la CIA, le pétrole tenu par les Britanniques passe quand même aux Américains, il ne faut pas oublier ce petit détail, et puis vous avez 25 ans de dictature du Shah. Le Shah, c'était la SAVAK. La SAVAK, c'était la police politique qui allait assassiner des opposants à l'étranger. Et quand, en 79, vous avez une révolution démocratique, personne ne contestait la révolution démocratique en Iran. On va expliquer que c'est une menace sur Israël et qu'il faut faire très attention, etc. Bon, c'est vrai qu'ils prennent quelques otages dans l'ambassade américaine. Mais dans l'ambassade américaine, quand les gardiens de la Révolution occupent l'ambassade, ils découvrent les papiers montrant les ingérences américaines dans la vie politique iranienne pendant toute l'époque du Shah. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous répétez que la Convention de Genève, vous dénoncez l'ingérence. Donc, vous voyez, cette espèce d'hypocrisie occidentale en disant « mais enfin, tout ça, ce sont des choses qui ne se font pas », on les fait. En même temps, on sait que l'Iran sait tirer les ficelles, hein, notamment au Liban avec le Hezbollah et j'en passe. Est-ce que l'Iran tire quelques ficelles de la situation libyenne ou non? Je connais mal la composition religieuse. J'avais pas cité l'Iran. Bon. Je connais mal la composition religieuse de la Libye, mais si vous voulez, il est évident que l'Iran agit surtout sur les communautés chiites. Et donc, c'est la cartographie que je vous ai dessinée. Oui, dont elle est le grand protecteur. Oui, absolument. Le protecteur des chiites. Et donc, si aujourd'hui, comme je le pense, le monde arabo-musulman est dans une guerre de religion, quelle est la légitimité de la communauté internationale à intervenir dans une guerre de religion? Bien sûr. On n'a pas réussi en Yougoslavie. Pourtant, c'était tous des catholiques, sauf les bosniaques. Mais ils étaient tous, parlaient tous le serbo-croate, ils les écrivaient avec des écritures différentes. Mais enfin, quand on a cette ligne de fracture-là, regardez la difficulté qu'on a eue à gérer un pays qui était à quelques mille kilomètres de la frontière de la France. Donc voilà, moi je suis très dubitatif, si vous voulez, sur les méthodes d'action internationale, a fortiori quand elles sont militarisées. Dernier pays dont on n'a pas parlé, qui n'est pas arabe, mais qui est musulman, c'est la Turquie. Donc la Turquie a des desseins géopolitiques très forts dans la région. C'est pour ça qu'elle est là dans le débat, pour dire on existe. Si vous voulez, un peu comme les Russes, quoi. La Turquie, c'est un peu comme la Grande-Bretagne et la France, c'est le pays qui a été à un moment un modèle universel. L'Empire ottoman était un modèle universel. La sublime porte. Oui, et donc, si vous voulez, même aujourd'hui, vous avez effectivement en Turquie, dans l'idée de la grande politique que mène le gouvernement, l'idée que la Turquie a des intérêts partout. Oui. Et donc, effectivement, la colonisation, notamment dans le Maghreb, se fait contre la mainmise de l'Empire ottoman. Et donc, l'idée qu'ils aient un passé historique qui justifie leur intervention, oui. Deuxième aspect, il est évident que Erdogan veut être le leader du monde sunnite. Simplement, il n'est pas arabe. C'est son problème. Donc, le seul moyen, c'est de se mêler des crises en aidant ceux qui lui sont le plus proches de lui. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Pierre Conessa, pour toutes ces lumières que vous avez apportées sur ce qu'on appelle souvent l'Orient compliqué, pas si compliqué que ça, si on prend la peine de le comprendre, finalement. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Guerre et Paix en Libye, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Anne-Laure Cochet, Patrick Henry qui étaient tous les deux à la technique aujourd'hui. À suivre sur France Inter, ce cher Antoine Decaune, bonjour. Merci mon cher Fabrice. Alors aujourd'hui, il va écouter Chirac et la pop culture, ça va être notre rappel en début d'émission, avant de parler de l'Alice de Lewis Carroll avec Macha Makeyev. À tout à l'heure, bon programme effectivement.